La gorge qui gratte, le nez qui coule, la tête dans un bocal et des éternuements par série de 10. Pas besoin d'aller aux urgences faire un test PCR pour vérifier si vous avez le Covid. Il est très vraisemblable que vous n'ayez attrapé qu'un simple rhume. Une boîte de mouchoirs, de l'eau, des boissons chaudes et du repos. Dans 3 jours, normalement, il n'en restera plus rien. Mais que sont au juste ces rhumes qui nous empoisonnent un peu, une à deux fois par an, la vie minimum? Certains sont comme le SARS-CoV-2 provoqué par des coronavirus, la majorité par des rhinovirus, et contrairement aux idées reçues, ils n'ont rien à voir avec un coup de froid. Faites chauffer la bouilloire, on vous dit tout sur le rhume saisonnier. Rhume, préparez vos mouchoirs, c'est le programme éternuant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher de comprendre de quoi on parle quand on dit qu'on s'est enrhumé en ces temps de pandémie, quelle différence et quelle similitude avec le SARS-CoV-2 ou avec la grippe, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Florence Niedergang. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS, responsable de l'équipe biologie des phagocytes, infections et immunité à l'Institut Cochin. Et Vincent Hainouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires à l'Institut Pasteur. Mais avant de vous retrouver, on commence par un tour de l'actualité scientifique du week-end avec Natacha Triou et le Journal des sciences toujours confiné. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, le ministère de l'Agriculture, de la Santé et de la Transition écologique a annoncé hier la première contamination au Covid-19 d'un élevage de visons en France. Oui, un élevage de visons de la famille des belettes a été contaminé en Eure-et-Loire. Les 1000 bêtes ont été abattues. Il s'agirait de la version mutée du coronavirus qui a été baptisée Closer 5 et qui a été repérée au Danemark début novembre. Le pays a fait abattre la totalité de ses élevages, entre 15 et 17 millions de bêtes. Et cette souche a aussi été détectée aux Pays-Bas, en Suède, en Grèce, en Italie, en Espagne et aux États-Unis. Alors cette mutation inquiète. Les autorités sanitaires craignent qu'elle puisse menacer l'efficacité d'un futur vaccin. Alors pour le moment, on ne sait pas si ces mutations rendent le virus plus dangereux. Néanmoins, la chaîne d'une transmission humain-vison-humain n'est pas sans risque. Le SARS-CoV-2 pourrait contaminer de nouvelles espèces et l'on pourrait voir apparaître un réservoir animal et le développement de 2 pandémies parallèles. En France, on recense 20 000 bêtes dans 4 élevages de visons. L'un des élevages a été testé négatif. Les résultats d'analyse des 2 autres sont attendus cette semaine. Et on vous met les liens vers l'étude et vers toutes les études dont il sera question dans cette émission sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et avant d'éternuer, si c'est le comble pour une émission sur le rhume, on va passer au bref. Après Pfizer, BioNTech, après Moderna, le laboratoire britannique AstraZeneca annonce aujourd'hui avoir développé un vaccin qui serait efficace entre 62 et 90% contre le Covid-19. Et la guerre des communiqués de presse se poursuit. Là encore, attention, ce n'est qu'une annonce, sans publication, validée par des scientifiques indépendants. Ce sont les résultats très préliminaires d'essais cliniques de phase 3 sur plus de 20 000 volontaires. L'efficacité de ce vaccin, en 2 prises, évolue selon les doses de 62 à 90%. Il n'y aurait pas d'effet secondaire sévère et aucun participant n'aurait développé de forme grave. Il reste moins puissant que ceux développés par Pfizer et BioNTech et celui de Moderna, mais celui de AstraZeneca est moins coûteux et plus facile à stocker. C'est une technologie plus traditionnelle, il s'agit d'un vaccin à base d'adénovirus, contrairement à ceux des concurrents des vaccins à base d'ARN messager, une technologie qui n'a encore jamais fait ses preuves pour le moment. Et face à un risque d'épidémie de grippe aviaire, les Pays-Bas ont abattu 190 000 poulets. Et ce sont les chiffres annoncés hier par la ministre de l'Agriculture des Pays-Bas. Par précaution, 2 élevages de poulets ont été abattus. Le 23 octobre, les Pays-Bas ont découvert 2 cygnes morts d'une forme très contagieuse de la grippe aviaire H5N8. Depuis, les exploitations avicoles sont confinées. Mais depuis l'apparition de foyers en Russie et au Kazakhstan cet été, la grippe aviaire semble progresser en Europe. En France, 2 cas ont été repérés, une animalerie dans les Yvelines et un foyer en Haute-Corse. La France est placée au niveau de risque élevé de grippe aviaire. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Chemosphere, certains pesticides seraient dangereux pour le neurodéveloppement sur des modèles animaux. Oui, des pesticides de la famille des inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, les SDHI, très utilisés dans l'agriculture pour lutter contre les moisissures. Une équipe du CNRS a testé les effets du SDHI le plus répandu, le bixaphène. Les chercheurs ont observé comment le poisson zèbre se développe quand il est exposé à cette substance, même à petite dose. Nous partageons avec ce poisson les mêmes mécanismes de construction du système nerveux. Alors même à petite dose de bixaphène, les embryons du poisson présentent des défauts dans le développement du cerveau et de la moelle épinière. On observe une microcéphalie, c'est-à-dire un cerveau plus petit, et des troubles moteurs. Les propriétés neurotoxines du bixaphène n'ont jamais été évaluées avant sa mise en vente. Il est difficile de savoir à quel point nous sommes exposés à cette substance. Merci Natacha. Demain pour le prochain journal des sciences. Chaque automne, c'est la même tannée, la reprise du travail, un coup de fatigue, les enfants qui ont le nez qui coule et ça ne loupe pas, ça commence à gratter au fond de la gorge, la vinaigrette de la salade devient irrespirable, le nez qui coule comme un robinet ouvert et les éternuements à répétition. Dans le meilleur des cas, et la plupart du temps ça s'arrête là, dans le pire, si vous êtes accro au tabac par exemple, c'est le début de la bronchite chronique et la vilaine toux qui traîne tout l'hiver. N'en jetez plus, vous tenez votre bon gros rhume annuel, le fameux coup de froid inévitable quand les températures chutent, mais saviez-vous que 1. Le rhume n'a rien à voir avec un coup de froid, 2. Il circule littéralement toute l'année, 3. On parle de rhume pour tout un tas de maladies qui n'ont pas grand-chose à voir en termes virologiques et qui ne sont pas provoquées par les mêmes virus, et pourtant, dans les années 60, on était persuadé d'avoir mis la main sur ce fichu virus du rhume, comme en témoigne notre archive du jour. Nous sommes exactement en 1960 dans l'émission Le progrès et la vie. Il semble qu'il y ait des perspectives nouvelles. En effet, vous parliez à l'instant d'avoir vaincu ou non le virus du rhume. Le problème était un problème, à vrai dire, plus complexe, puisqu'il s'agissait de connaître le virus du rhume. Et si, jusqu'à présent, les savants, les spécialistes des virus du monde entier, avaient isolé quelques 70 à 80 virus responsables de maladies respiratoires, jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à isoler un virus responsable du rhume banal. Or, il existe en Angleterre une équipe de chercheurs spécialisée depuis 13 ans dans les travaux sur ce virus, sur cette découverte du virus du rhume. C'est une équipe qui travaille à Salisbury. Cette équipe, jusqu'à présent, après un travail aussi persévérant, n'avait pas réussi à isoler ce virus. Or, aux dernières nouvelles, elle aurait réussi, ce prodige de la science moderne, d'isoler un virus responsable d'une maladie aussi fréquente. Et je pense que le fait d'avoir isolé un virus nous ouvre des perspectives sur un traitement. Mais là, c'est un autre chapitre qu'il nous est difficile d'ouvrir ici. Voilà, nous sommes en 1960 et on aurait donc identifié le virus du rhume. Une réaction peut-être l'un et l'autre à cette archive, Florence Niedergang. Oui, alors pour moi c'était un virus du rhume, un rhinovirus qui avait été identifié plutôt aux États-Unis à l'université Johns Hopkins. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant de remonter dans le temps et de voir que certaines approches comme la microscopie électronique nous ont permis quand même d'identifier des virus avec des méthodes qu'on utilise encore. Vincent Hainouf, sur cette archive. Oui, c'est intéressant parce que, et surtout ça soulève un point, c'est que tous les virus respiratoires ne sont pas cultivables, en fait, quand on n'arrive pas à les isoler. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant car on a pour les identifier ou les expertiser que leur génome, car certains, on n'arrive pas à les isoler, on n'arrive pas à les produire. Et donc, ça relevait aussi de ce problème, même s'il semblait avoir été résolu à ce moment-là. On reviendra sur l'origine et sur les différents virus qui peuvent être responsables du rhume, parce que, bon, actualité oblige, on a beaucoup entendu ces dernières semaines et ces derniers mois que le rhume saisonnier était provoqué par des coronavirus. C'est partiellement vrai, mais pas entièrement vrai, Vincent Hainouf. Non, c'est essentiellement des rhinovirus, entérovirus qui vont provoquer le rhume. Le problème de ce virus, c'est qu'il y en a. C'est une grande famille. Ils font partie de la famille des coronavirus, mais par exemple, parmi les rhinovirus, vous en avez à peu près une centaine qui existent, différents. Et votre système immunitaire ne les connaît pas tous. Et donc, c'est pour ça que fréquemment, dans l'année, vous avez des rhumes, car votre système immunitaire n'est pas préparé par le virus qui vient de vous infecter, par exemple. Et ce qu'on remarque, c'est que les enfants ont davantage de rhumes, car ils ont un système immunitaire qui est moins bien préparé qu'un adulte, qui a vécu évidemment plus longtemps et qui a rencontré davantage de virus. Oui, ils ont un système immunitaire naïf. On reviendra aussi hein, sur les questions d'immunité qui sont assez passionnantes. On a aussi beaucoup entendu, Florence Niedergang, que ce SARS-CoV-2, si on lui laisse le temps d'évoluer, bah, il finira par rejoindre les autres, les quatre, disons, coronavirus qui nous donnent aujourd'hui justement ce type de rhinite ou de rhume. Et on reviendra sur ce qu'on peut mettre comme type de maladie dans ce mot rhume un peu plus tard. Alors, je ne voudrais pas m'avancer et dire une chose pareille, que ce SARS-CoV-2, pour le moment, il est responsable d'une maladie que l'on ne connaît pas du tout, pour laquelle les effets à long terme ne sont pas du tout connus non plus, avec beaucoup d'impact au niveau de différents organes, cardiaques, vasculaires, neurologiques peut-être. Donc moi, j'aimerais pas m'avancer en disant une chose comme ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça. C'est pas du tout un coronavirus comme les coronavirus communs qu'on a l'habitude d'avoir tous les hivers. Il provoque une maladie très différente et on a affaire à quelque chose de totalement nouveau. Bien sûr. Je vous soumettais ça parce qu'on a entendu, et même à ce micro, hein, souvent des virologues dire oui, mais les coronavirus qui nous donnent aujourd'hui des rhumes ont peut-être au début, quand ils ont commencé à infecter l'espèce humaine, été plus virulents comme l'est aujourd'hui le SARS-CoV-2, Vincent Hainouf. Éventuellement, mais on n'en a pas la sécurité. Et aujourd'hui, en tous les cas, par rapport à ce qui est observé avec ce virus et surtout les infectiologues au niveau des hôpitaux et des centres médicaux, on a affaire à un virus qui provoque beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il atteint de la tête, je dirais jusqu'aux pieds, les différents organes. Vous avez des troubles neurologiques très important, même chez les jeunes personnes. Hein. J'ai encore un exemple d'une personne de 27 ans aujourd'hui qui cherche ses mots, qui a du mal à marcher, qui a tout le temps mal aux membres, etc. Donc, c'est quelque chose de très nouveau pour un virus respiratoire avec des choses qui durent dans le temps. Si on en revient au rhume, oui, vous vouliez dire quelque chose, Florence Niedergang, peut-être. Oui, je voudrais juste rajouter, puisque on était sur cette question, que en effet, c'est un virus respiratoire par sa transmission et son mode d'entrée dans l'organisme. Mais comme on vient de le rappeler, il y a vraiment un impact sur différents organes avec une atteinte vasculaire, cardiaque, avec peut-être des effets qu'on ne connaît pas encore à long terme en termes neurologiques. Donc, je pense qu'il faut quand même le séparer complètement des autres, de ce qu'on va mentionner aujourd'hui concernant le rhume, par exemple. Eh bien, c'est fait, c'est entendu. Et justement, on va revenir sur ce rhume, sur ces rhumes, hein, parce que, encore une fois, comme vous allez l'entendre, on parle de rhume, mais on parle de différents virus, on parle de différentes pathologies qui sont tout de même similaires, mais qui ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Puis, on va parler aussi des questions liées à l'immunité. C'est notre programme du jour. France Culture, la méthode scientifique. Nicolas Martin. À 16h13, nous parlons donc du rhume que l'on appelle, mais peut-être à tort d'ailleurs, saisonnier. Nous en parlons avec Florence Niedergang et Vincent. Et nous, peut-être qu'on peut commencer justement par casser un peu les idées reçues, les fausses idées reçues qui circulent à propos du rhume. Par exemple, pour commencer justement, le fait que ce serait une maladie saisonnière. Florence Niedergang, c'est absolument faux. Le rhume, ça circule strictement toute l'année. Alors, il circule toute l'année, mais c'est vrai qu'il y a quand même des pics, on va dire, dans notre hémisphère, entre septembre et avril, qui correspond un petit peu à la rentrée scolaire et le moment où, en hiver, on est quand même plus dans des endroits fermés, confinés ou dans des pièces fermées, les uns très proches des autres. Donc, il y a quand même un caractère un peu saisonnier, mais c'est vrai que les enfants, par exemple, peuvent faire des épisodes de rhume 5 à 10 fois par an. Ouais. On dit du rhume... Pas... Oui, Vincent Hainouf, oui, je vous en prie. Au niveau de la circulation du virus, au contraire, c'est-à-dire que durant l'hiver, entre septembre, octobre et le printemps, vous avez d'autres virus respiratoires qui prennent la place du rhinovirus, qui sont le VRS, le virus respiratoire syncytial, et la grippe, normalement. Et nous, comme on surveille l'ensemble des virus grâce aux données hospitalières, on voit une chute du nombre de détections des rhinovirus pendant cette période, en fin de compte, et ensuite un reboost à la sortie de l'épidémie de grippe, car en effet, le rhinovirus est là toute l'année, même l'été. On dit souvent quand on attrape un rhume, qu'on attrape un coup de froid, ça aussi, c'est partiellement vrai et partiellement faux, Vincent Hainouf. C'est-à-dire que, en revanche, l'hiver, vous avez les muqueuses respiratoires qui sont plus agressées et donc qui favorisent l'infection par des virus respiratoires comme la grippe, mais aussi évidemment les rhinovirus. Et donc ensuite, on est en effet les pièces sont moins aérées, on est plus les uns sur les autres entre guillemets, et donc tout ça provoque en effet l'infection éventuelle par un postillon contenant un rhinovirus. C'est à peu près le même type de propagation qu'avec la grippe. Et donc, si vous inhalez cette gouttelette contenant ce virus ou ces virus, eh bien, vous pouvez être infecté. Finalement, Florence Niedergang, si on regarde un peu en termes épidémiologiques, ces surcroît d'infection par les rhinovirus à la rentrée ou en tout cas en hiver ou en automne sont plus liées à la promiscuité, au changement de comportement qu'au climat en tant que tel. Oui, alors si on revient sur ce que vient de dire Vincent Hainouf, on a peut-être plus de rhume, mais moins dû au rhinovirus, puisqu'ils ont l'air d'être plus remplacés par des virus plus saisonniers, type virus de la grippe. Quand on parle de rhume, du coup, de quelle pathologie on parle? Parce qu'on parle du rhume, en fait, c'est une sorte de déformation populaire, un peu comme le flu en anglais qui désigne aussi bien le rhume que la grippe. Les rhumes, en fait, on parle de différentes pathologies distinctes, Vincent Hainouf. Si on parle des symptômes, vous avez le nez qui coule de manière abondante, vous allez avoir un peu de fièvre et des maux de tête, quelques douleurs, mais c'est rien par rapport à ce que provoque la grippe. Et généralement, vous en sortez assez rapidement, en une petite semaine, même si c'est très désagréable. Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment plusieurs pathologies distinctes, c'est-à-dire que ou est-ce que c'est finalement tout ça provoque des pathologies qui sont difficiles à différencier en l'absence de tests virologiques type PCR quoi. C'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que les virus respiratoires, vous allez avoir du mal si vous allez chez votre médecin généraliste, celui-ci va avoir du mal à dire si vous avez à quoi est dû votre rhume? Est-ce que c'est une grippe? Est-ce que c'est le virus? Est-ce que c'est un rhinovirus, un entéro? Est-ce que c'est un VRS, etc. Après, on peut avoir des idées par rapport à l'âge de la personne qui est en face de vous. Après, on peut aussi avoir des idées par rapport à ce qui circule si on regarde l'épidémiologie. Et donc, c'est tout l'intérêt des laboratoires et de leur détection, c'est de suivre l'évolution du nombre de détections dans la population française. Mais pour faire la différence à tout prix entre un virus respiratoire et un autre, en effet, c'est l'identification par un test qui va permettre d'y arriver. Florence Niedergang, sur cette question, le rhume, c'est vrai qu'on se dit que en général, il y a deux choses, c'est-à-dire que on en guérit tout seul, naturellement. Ça veut dire qu'il n'y a que des formes bénignes ou est-ce qu'il peut y avoir certains cas plus rares de formes dites sévères ou graves? Non, alors, bon, on peut avoir, selon les virus, des formes plus ou moins graves, effectivement, juste le nez qui coule ou la gorge prise, mais parfois des perturbations vraiment des capacités respiratoires et des toux importantes et des maux de gorge avec des impressions d'avoir la poitrine très oppressée. Donc, en fonction du virus, on peut avoir quand même une pathologie plus ou moins importante. Et surtout, si j'ai l'occasion là de parler un peu de causes d'aggravation de certains syndromes. Donc, par exemple, les rhinovirus, certes, ça va provoquer des rhumes qui sont assez bien gérés par des personnes en bonne santé, mais par contre, ça va être une cause d'aggravation de symptômes chez des personnes qui ont déjà des maladies chroniques type asthme ou BPCO. Alors, bronchopneumopathie chronique obstructive. Bronchopneumopathie chronique obstructive, exactement. Donc, si je peux dire un petit mot bien sur sûr, cette maladie, prie. Parce que absolument. Je crois qu'elle n'est pas assez bien connue du grand public. Et j'ai des collègues à l'hôpital Cochin qui sont spécialistes. Il y a tout un plan d'action qui vise à mieux la faire connaître auprès des pouvoirs publics et aussi du public. En fait, elle est la troisième cause de mortalité par maladie dans le monde. Et c'est une maladie qui arrive petit à petit. Les gens ne consultent souvent très tard. C'est une insuffisance respiratoire qui s'installe progressivement avec une bronchite qui évolue, un rétrécissement des bronches qui fait que finalement les gens ont vraiment des capacités respiratoires très réduite, une qualité de vie qui va se dégrader beaucoup, pour aboutir finalement à, chez de nombreuses personnes, une mise en invalidité ou des congés longue maladie. Donc il y a un gros impact aussi vraiment sur la qualité de vie et sur la psychologie. Sans compter que bon, bah, vous avez aussi des frais d'hospitalisation, etc. Donc il y a un impact économique, bien sûr, avec finalement ce fameux rhinovirus qui ne cause que, entre guillemets, le rhume chez une personne en bonne santé. Mais c'est un virus qui peut donner des aggravations avec essentiellement des surinfections bactériennes, par exemple. Voilà. Au lieu d'avoir juste le rhume, on va finir par avoir une aggravation de symptômes qui va se transformer en une surinfection avec une maladie, une pneumopathie bactérienne. Mais cette BPCO, c'est une infection, c'est une maladie génétique, c'est une infection virale, bactérienne. Comment est-ce qu'on l'attrape et qui sont les personnes qui en souffrent ? Alors, c'est une maladie compliquée, multifactorielle. Un facteur important dans nos pays, c'est le tabagisme. Mais il y a aussi la pollution, il y a aussi d'autres facteurs. Et donc, c'est une maladie qui évolue petit à petit et qui s'installe comme une maladie chronique. Mais donc, pour revenir sur nos rhinovirus, c'est des facteurs d'aggravation de cette maladie-là, comme aussi de l'asthme ou de la mucoviscidose. Et donc, chez des patients qui ont déjà un terrain de maladie chronique inflammatoire des voies respiratoires, le rhinovirus, le rhume, peut dégénérer en une maladie qui est beaucoup moins bien contrôlée et qui peut donner des surinfections bactériennes. Chez les enfants, ces surinfections bactériennes peuvent se traduire aussi par une otite moyenne, et puis ensuite des sinusites, des pharyngites, et il peut même y avoir une réactivation des virus tels que l'herpès simplex, par exemple. Qu'on soit bien d'accord, aujourd'hui, le rhume, il n'y a pas de médicament qui le soigne, Vincent Hainouf. Les médicaments, non, ça va être des médicaments qui vont permettre de faire baisser la température, si vous avez de la fièvre, des anti-inflammatoires, l'aspirine, voilà, ça va être ce type de médicaments, mais il n'y a pas de médicaments qui ciblent spécifiquement le virus, c'est des médicaments qui ciblent les symptômes. Non, mais c'est intéressant parce que en période de rhume, on voit les étals des pharmacies remplis de médicaments avec le nom de la marque plus rhume derrière en disant ça va vous soigner. En fait, quand on attrape un rhume, le meilleur soin c'est quoi ? Ça sert vraiment à quelque chose de prendre un médicament quelconque ou est-ce que ça sert pas à grand chose, Vincent Hainouf ? Oui, ça peut servir à quelque chose pour rester actif. Si vous avez un mal de tête permanent, de prendre des anti-inflammatoires ou des anti-maux de tête, ben ça va favoriser, vous allez être mieux, je dirais. Mais c'est pas ça qui va réellement soigner. Ça va baisser le niveau des symptômes et donc ça va être plus acceptable et vous allez pouvoir éventuellement continuer à avoir une activité professionnelle ou autre normale, je dirais. Voilà à quoi servent ces médicaments. Quelle est l'épidémiologie ? J'ai lu qu'il y a 0,75 infections par personne par an dans le monde, ce qui en ferait, je ne sais pas, peut-être la maladie la plus répandue sur la planète. Vous confirmez ces chiffres, Florence Niedergang ? Je préférerais laisser Vincent Hainouf avec l'épidémiologie. Vincent Hainouf, alors. Honnêtement, j'ai pas regardé les chiffres au niveau mondial, mais en tous les cas... on a des taux de détection du virus qui sont importants qui sont autour des 10%, je dirais, de l'ensemble des échantillons qui peuvent être faits à but de recherche de virus respiratoire. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 8, 9, 10. Il faut savoir que c'est le seul virus avec le SARS-coronavirus qui circule aujourd'hui. La grippe, on en a, je peux dire, pas du tout. Le VRS, c'est très, très, très, très sporadique, alors que normalement, actuellement, on devrait avoir une épidémie à VRS. Dans quelques semaines, si les choses étaient normales, on devrait voir apparaître la grippe. Et pour l'instant, on n'en prend pas du tout le chemin. Et si on s'appuie sur les données de cet été dans l'hémisphère sud, où il n'y a eu aucune épidémie à virus grippal, ce qui n'arrive jamais. Ah ouais, c'est incroyable ça. Ça s'explique comment ? C'est parce que les mesures de confinement de facto dans tous les pays finissent par bloquer la circulation virale. C'est parce que il y a une campagne de vaccination plus large, parce qu'il y a eu, évidemment, on l'a entendu, beaucoup d'incitations à débuter cette campagne de vaccination très tôt pour stimuler le système immunitaire et pour éviter de voir les deux épidémies se superposer. Quelles explications on peut avoir, Vincent Hainouf ? Alors, l'explication la plus plausible, c'est en effet les mesures barrières, que ce soit le lavage de mains, le masque, le confinement, etc., qui a eu lieu dans le monde entier, en fin de compte, et notamment dans l'hémisphère sud cet été. Et en plus, vis-à-vis du virus grippal, et il y a une immunité de groupe. La population est immunisée en partie, soit par vaccination, soit parce qu'elle a déjà été infectée. Et ces personnes, en fin de compte, et ce virus, avec les mesures barrières plus l'immunité de groupe, a énormément de difficultés à circuler dans la population. Ce qui est plutôt... C'est la différence avec le Covid-19, d'ailleurs. Bien sûr, ouais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, parlons virologie un peu, si vous le voulez bien. Justement, de ces rhinovirus, vous le disiez, on l'a dit tout à l'heure, ils ont été découverts, enfin, ce sont les entérovirus. D'ailleurs, peut-être qu'on peut préciser un peu la phylogénie du virus, parce qu'on parle d'entérovirus, de rhinovirus, de picornaviridé. Quelle est la grande famille de ces rhinovirus? Qui veut répondre là-dessus? Florence Niedergang? La grande famille, c'est donc les picorna, donc pico pour petit, virus ARN. D'accord. Donc ce sont des virus ARN, c'est important de le dire, oui. Oui, tout à fait. Des virus ARN qui subissent des mutations à chaque multiplication, si vous voulez. La vie d'un virus respiratoire, c'est de muter de telle manière à s'adapter, c'est-à-dire qu'il va provoquer des mutations qui vont être pour la plupart néfastes pour lui. Ce sont des virus qu'on va perdre tout de suite. Et puis de temps à autre, vous avez un virus qui possède une qualité supplémentaire dans le sens où il ne va pas forcément être reconnu par le système immunitaire des personnes qu'il va infecter. Et donc ça va être un nouveau virus. Et c'est pour ça que cette centaine de virus rhinovirus qui ne font que d'évoluer au fur et à mesure du temps par des mutations, par l'apparition de mutations, subsistent dans la population et sont toujours présents car ils évoluent, ils changent et notre système immunitaire doit aussi évoluer au fur et à mesure. Il y a trois familles de rhinovirus, RVA, RVB, RVC, et ce sont des virus qui sont strictement humains maintenant, c'est des virus pour lesquels il n'y a plus aucun réservoir animal, Vincent Hainouf? Honnêtement, c'est une bonne question. je ne sais pas si Florence a une réponse, mais là, je ne sais pas s'il y a un réservoir animal pour les rhinovirus. Je ne sais pas non plus s'il y a un réservoir. Pour moi, c'était strictement humain. Non, a priori, c'est strictement humain. Enfin, d'après ce que j'ai lu, voilà. Je parle évidemment sous votre contrôle, mais a priori, ce sont des pathogènes strictement humains. Comment ça fonctionne ces rhinovirus? Parce qu'on a fait un peu depuis quelques mois un peu de virologie appliquée dans cette émission et ailleurs. Ces rhinovirus, pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent aux muqueuses supérieures? Enfin, comment est-ce que ça fonctionne? Quel est le cycle viral de ces rhinovirus? Qui veut répondre là-dessus? Florence Niedergang? Alors, ils infectent effectivement les voies aériennes supérieures, mais aussi plus basses. Alors, en fonction des groupes, les virus vont utiliser des récepteurs différents à la surface des cellules et comme porte d'entrée dans les cellules. Ils infectent les cellules épithéliales, donc les cellules qui composent les muqueuses, les surfaces qui font l'interface entre le corps et l'extérieur. Ils infectent, alors, ces cellules, il y a un cycle viral qui se développe, le virus a absolument besoin d'une cellule hôte pour se multiplier. Il utilise la machinerie de la cellule hôte à son profit pour se reproduire. Le cycle n'est pas très très bien caractérisé. Il y a à un moment donné, le virus a besoin d'une plateforme d'assemblage qui utilise de la machinerie de la cellule hôte et qui n'est pas très bien caractérisée non plus. Et la sortie se fait lorsque la cellule produit beaucoup de virus et normalement c'est un cycle lytique, c'est-à-dire que la cellule va se gonfler de nouvelles particules virales et relâcher, se rompre et relâcher de nouvelles particules virales. Vincent Hainouf, pardon, je vous laisse terminer, excusez-moi, pardon. Allez-y. Ah non, comme vous voulez, vous pouvez terminer. C'est le charme de la radio à distance, comme on ne se voit pas parfois, la parole est plus difficile à répartir, mais Vincent Hainouf, je vous en prie alors. Je ne sais pas, je pense que tout a été dit au niveau du cycle de multiplication du virus. Vous avez des particules donc, qui vont sortir, un cycle lytique, les cellules vont exploser en fin de compte, ils vont libérer les nouvelles particules qui vont aller à leur tour infecter les cellules qui se trouvent à proximité. Et donc vous allez avoir un début d'infection donc, au niveau des fosses nasales, donc des voies respiratoires hautes. Il faut savoir que la mise en place de l'immunité initiale se fait à ce moment-là en fin de compte. D'accord. Qu'est-ce qui crée, par exemple, ces éternuements très très pénibles qui font qu'on éternue à répétition? Parce qu'on se rend compte que ces éternuements du rhume classique sont très très proches des éternuements du rhume allergique. Est-ce que ce sont les mêmes logiques histaminiques? Comment ça se passe, Vincent Hainouf? Alors, je ne suis pas rentré jusqu'à ce niveau, mais les éternuements sont dus à une gêne, en effet. Je ne sais pas si Florence a davantage de réponses à ce niveau-là. Florence Niergang. C'est vrai que les éternuements sont faits pour expulser du matériel grâce à des mouvements. À la fois, il y a des mouvements de petits cils qui permettent d'expulser du matériel avec du mucus. Il y a aussi des mouvements plus violents, l'éternuement qui permet d'expulser des choses des voies aériennes supérieures. Ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est que le virus infecte aussi les voies plus basses. Et la chose qui nous intéresse, nous, au laboratoire, c'est son impact aussi sur des cellules qui sont une partie des cellules du système immunitaire, des cellules sentinelles, qui sont des macrophages, qui sont dans l'espace alvéolaire et qui sont des cellules qui sont ont un rôle de sentinelle, qui sont là en permanence pour capturer les débris justement de cet épithélium qui se renouvelle en permanence. Il y a toujours des cellules qui meurent et qui sont relarguées, qui doivent être éliminées, et des bactéries aussi qui sont présentes. Donc il y a un équilibre qui doit se maintenir grâce à ces macrophages qui éliminent les débris et les bactéries sur place. Et l'impact des rhinovirus sur ces cellules sentinelles, c'est quelque chose qui nous intéresse. Parce qu'il a été montré dans certaines pathologies qu'en effet, ces cellules sont là, mais ne sont plus capables de jouer leur rôle, ce qui pourrait contribuer justement un peu à ce dont je parlais avant, c'est-à-dire ces effets d'exacerbation, de surinfection bactérienne. Vous disiez tout à l'heure, Vincent Nouf, quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que ce sont des virus à ARN. On a dit beaucoup que l'une des caractéristiques, et vous l'avez répété, des virus à ARN, c'est leur fort taux de mutation. Or, on sait et on a appris récemment que le SARS-CoV-2, le coronavirus, lui avait peut-être une exception, c'est-à-dire que lui, là, ce virus-là, il avait un outil de correction de ses propres erreurs. Ça n'est donc pas du tout le cas des rhinovirus, Vincent Nouf. Oui, c'est exactement ça. C'est comme la grippe. Vous avez des corrections qui n'ont pas lieu. Le SARS-CoV-2 donc a un plus faible taux de mutation dû à ce système de correction. Donc, ce qui lui permet de se maintenir et d'être de provoquer moins de mutations et d'être moins adaptatif en fin de compte que l'ensemble de ces rhinovirus qui sont très adaptatifs et qui plus est représentent une famille très très grande et donc nous met en difficulté lorsque on a affaire à un virus que l'on ne connaît pas et que notre système immunitaire ne connaît pas. Et donc, c'est dû à ça que tous ces rhumes durant l'année et même l'été. Cette capacité, parce que c'est plus une capacité qu'une faculté, à muter beaucoup qui fait qu'on n'a pas et on ne développe pas au cours de sa vie d'immunité à long terme contre ces rhinovirus, Vincent Hanouf. C'est ça, si vous voulez. Et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle on n'a pas de vaccin aujourd'hui. C'est-à-dire que à quoi servirait éventuellement un vaccin ? Alors d'une part, parce que les symptômes, enfin la maladie provoquée par l'arinovirus, je dirais chez le commun des mortels, n'est pas une maladie très grave, ça c'est une première chose. Et puis étant donné qu'il évolue énormément, il serait difficile d'avoir une composition vaccinale efficace. Car leur famille est très très grande et donc il est impossible de faire un vaccin avec l'ensemble des rhinovirus qui existent aujourd'hui. On va continuer à parler de ce rhume, on va parler justement de la recherche autour de ces rhinovirus, mais pas uniquement. Vous allez voir qu'il y a d'autres familles de virus qui peuvent provoquer des rhumes, et puis on va se poser la question généralement de la lutte contre les virus, et dont on vient de comprendre qu'elle peut être difficile à cause notamment de ces facultés de mutation. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Thank you. Black Wolf de Mountain Fire, contrairement à ce que son nom n'indique pas. C'est un groupe français, puisque nous continuons à chaque jour à soutenir les scènes indépendantes musicales françaises pendant qui connaît des jours un peu compliqués cette année avec les deux confinements et la fin des concerts. Donc n'hésitez pas, si vous voulez être diffusé, que vous nous écoutez, vous pouvez nous envoyer un petit mot à l'adresse de l'émission et on essaiera de programmer votre musique dans notre émission. Nous parlons des rhumes tout au long de cette heure en compagnie de Florence Niedergang, qui est directrice de recherche CNRS, responsable de l'équipe biologie des phagocytes, infections et immunité à l'Institut Cochin, et Vincent Hénouf, qui est directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires à l'Institut Pasteur. Cette fois-ci, parce qu'on dit que, en fait, finalement, les rhumes, comme on l'a entendu, c'est un virus très largement, dans une grande majorité, bénin, dont on guérit naturellement très bien. On n'a pas besoin de médicaments pour guérir. Vous le disiez tout à l'heure, Vincent Hénouf, on prend parfois des médicaments pour affaiblir certains symptômes quand ils sont trop handicapants, mais sinon on en guérit en général en quelques jours, voire en quelques semaines. Qu'en est-il, Florence Niedergang, des gens qui ont une sorte de rhume chronique, c'est-à-dire qui sont enrhumés ou qui toussent tout au long de l'hiver? Est-ce que c'est une autre pathologie ou est-ce que c'est toujours la faute de ces rhinovirus? Alors, on peut avoir des personnes qui souffrent de bronchite chronique due à une pathologie qui s'est établie, qui est une pathologie chronique. En effet, on peut reparler de cette maladie chronique BPCO, là, pour bronchopneumopathie chronique obstructive. Et là, c'est une maladie qui est installée avec une bronchite, on peut appeler bronchite du fumeur si vous voulez, mais qui s'installe chez différentes personnes et qui peut évoluer en une pathologie vraiment très invalidante. Et je pense qu'elle n'est pas assez connue et les gens, à peu près deux tiers des personnes sont non diagnostiquées en France à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose qui est dû non pas au virus du rhume, mais une pathologie qui s'est installée et pour laquelle le virus du rhume peut provoquer des aggravations de symptômes. Ou servir de déclencheur peut-être ? Non, je pense qu'on va être sur deux choses un petit peu différentes, en fait. Si on parle de cette maladie BPCO, c'est une maladie qui a été installée suite à divers phénomènes qui ont convergé vers l'installation d'une maladie chronique. Et le rhinovirus ou le rhume peut déclencher des aggravations suite à l'infection qui va être aiguë avec l'infection virale. Vincent Hénouf, sur ces bronchites chroniques et leur rapport avec les rhinovirus? Je ne sais pas si on peut en parler aussi, mais il y a toutes les maladies qui peuvent être décompensées en fait, suite à une infection virale. C'est-à-dire pour la grippe, on en connaît un certain nombre. Pour les rhinovirus, ça peut exister et on peut avoir les mêmes choses. En fait, tout dépend de l'hôte, tout dépend de la personne infectée. Si cette personne possède des maladies chroniques, eh bien, il peut y avoir une décompensation et d'une maladie éventuellement cardiaque, même si c'est beaucoup plus rare qu'avec la grippe. On peut peut-être dire un mot, si vous le voulez bien, Vincent Hénouf, des rhumes à coronavirus sur le plan symptomatique, qui sont donc strictement similaires aux rhumes à rhinovirus. Est-ce qu'il y a finalement des différences dans l'expression de la maladie ou est-ce que c'est totalement superposable? C'est très superposable. Et les enfants sont souvent touchés par des coronavirus saisonniers, tout comme les rhinovirus. Et les jeunes enfants sont vraiment des personnes à risque qu'il faut surveiller lorsqu'ils ont des rhumes, et surtout les très jeunes, pour éviter tous les encombrements et des difficultés à respirer. Il y a un auditeur qui nous écoute et qui a une question pour vous, Florence Niedergang, qui demande est-ce que des maladies dégénératives peuvent provoquer cette bronchopneumopathie chronique obstructive? Dégénérative, neurodégénérative ou je n'ai pas compris le sens de la question. La question, ce sont juste des maladies dégénératives, donc je n'ai pas beaucoup plus de détails que ça, mais est-ce qu'il peut y avoir, j'imagine, ou peut-être des maladies dégénératives pulmonaires? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une maladie qui dégénère en quelque sorte, c'est-à-dire que elle va s'installer avec des symptômes au départ très légers. Les gens ne se rendent pas vraiment compte de l'évolution de la maladie jusqu'à avoir une bronchite tellement et des restrictions, des insuffisances respiratoires tellement importantes que les personnes n'arrivent plus à faire les tâches quotidiennes de façon correcte. Donc c'est peut-être dans ce sens le mot qui dégénère. Oui. Je voudrais peut-être rajouter un mot sur comme on parlait des surinfections bactériennes. Peut-être là c'est quelque chose où on peut faire un distinguo entre donc rhinovirus, rhume et virus de la grippe. Les deux vont pouvoir donner lieu à des surinfections bactériennes. Et pour la grippe, c'est assez bien caractérisé. Les gens ont des pneumopathies, des pneumonies sévères suite à une infection par le virus de la grippe. Par contre, il ne semble pas que ce soit du tout le cas du SARS-CoV-2 actuel. C'est-à-dire que les gens ne font pas de surinfection bactérienne. S'il y a des pneumopathies qui peuvent se révéler, c'est plutôt parce que les gens ont passé 3 semaines en réanimation et qu'on peut avoir des infections secondaires de ce type-là. Mais ce n'est pas une caractéristique, en tout cas, de l'infection par le SARS-CoV-2 comme la surinfection bactérienne est une caractéristique du virus de la grippe ou peut l'être pour les rhinovirus, je dirais. Vincent Hainouf, sur cette surinfection bactérienne, peut-être un mot ? Non, mais en tous les cas, sur les personnes à risque, on peut parler aussi des personnes avec un système immunitaire affaibli par un médicament ou par une maladie. Il faut savoir que les immunodéprimés sont plus sensibles aux infections respiratoires. Et chez ces personnes, en fin de compte, les symptômes sont beaucoup plus prononcés. J'aimerais qu'on parle un peu d'immunité et de traitement contre ces rhinovirus ou en tout cas de recherche. Se pose une question, on a entendu parler de cela aussi appliqué à l'épidémie de SARS-CoV-2. On a entendu parler d'immunité croisée, c'est-à-dire le fait que un type de virus pourrait faire acquérir à son hôte une forme d'immunité à un autre type de virus. La question que je me posais, Vincent Hainouf, c'est qu'avec autant de variants des rhinovirus, pour rester sur les rhinovirus, pourquoi est-ce que lorsqu'on en contracte un, on ne finit pas par être protégé globalement contre tous les autres ? On est protégé globalement. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'infection grave. C'est-à-dire qu'il y a une immunité croisée qui nous permet de faire des... On a la maladie, enfin on a l'infection, mais généralement on s'en sort très vite, comme je disais tout à l'heure, et on ne devient pas un cas grave en fin de compte. Et ça, c'est dû justement à cette immunité croisée. Même si les virus ont quelques modifications substantielles au niveau de leur génome, notre système immunitaire va s'adapter, même s'il n'est pas performant à 100% à ce moment-là. L'immunité croisée permet quand même, par des médicaments comme on citait tout à l'heure pour stopper la fièvre, de continuer à travailler, de continuer à avoir une activité. Peut-être une autre question également, Florence Niedergang, vu que ces rhinovirus circulent depuis extrêmement longtemps, comment se fait-il qu'on n'ait pas acquis à force, et puis comme ils circulent et comme on l'a entendu énormément dans toute la population mondiale, une forme d'immunité de groupe contre ces rhinovirus? Mais je crois que là, l'explication revient à ce qui a déjà été mentionné, c'est-à-dire que on a trop de types de virus différents, on a une centaine de groupes de virus différents, donc on ne peut pas avoir une immunité qui soit efficace contre chacun. Et donc, finalement, on va avoir peut-être une réponse des anticorps qui vont pouvoir interagir avec certains virus, mais qui ne seront pas efficaces pour bloquer complètement l'entrée d'autres virus au niveau des voies respiratoires. Vincent Hainouf, sur cette question ? C'est la réponse que j'ai faite un peu tout à l'heure et que Florence vient de compléter. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la maladie n'est pas généralement pas grave. Notre système immunitaire, en fin de compte, s'adapte au cours de l'année avec l'évolution éventuelle du virus. Et lorsque l'on est infecté, l'immunité croisée permet d'être protégé en partie et donc d'avoir une symptomatologie très réduite, voire inapparente parfois. Et si elle est apparente, soit se soigner avec quelques anti-inflammatoires ou antalgiques. Et puis il n'y a rien d'autre à faire. Mais de temps en temps, comme on le citait avant, il y a des personnes à risque et ces personnes doivent être surveillées pour toute infection respiratoire, en fin de compte. Il y a des cas d'infection au rhinovirus qui sont totalement asymptomatiques, Vincent Hainouf ? Ah, je pense, oui. Je pense que comme le coronavirus, comme le SARS-CoV-2, comme la grippe, vous avez un pourcentage de personnes dans la population qui sont porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils ont été infectés, qui sont porteurs du virus sans le savoir et qui peuvent le diffuser dans la population pendant quelques heures éventuellement. On n'a pas de réponse encore. Oui, Florence Nivergang, je vous en prie. Oui, je pense que c'est un point quand même qu'il est important de souligner, surtout en ce moment, c'est que justement ces infections virales respiratoires peuvent être complètement asymptomatiques, et c'est d'autant plus vrai pour le SARS-CoV-2. Et donc c'est encore une façon de rappeler à quel point les mesures barrières sont importantes, même quand on est en bonne santé, on n'a pas de symptômes apparents. Je pense que on n'a jamais assez répété le besoin de mettre en place ces mesures barrières pour tout le monde, de façon à s'assurer qu'on n'a pas de transmission par des porteurs qui seraient complètement asymptomatiques, c'est-à-dire des gens qui ont du virus, produisent du virus, mais n'ont aucun symptôme de maladie. Justement, à propos de, pour revenir sur cette question de l'immunité croisée avec le SARS-CoV-2, c'est une question qui pour le moment est encore en suspens, mais on pourrait imaginer, Vincent Hainouf, qu'il y ait une forme qui pourrait d'ailleurs expliquer le fait que les enfants ne développent pas de formes graves, d'immunité croisée entre les rhumes à coronavirus, donc à coronavirus bénin, et le SARS-CoV-2. Comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'éléments, de preuves scientifiques de la possibilité d'une immunité croisée entre le CoV-2 et les coronavirus bénins? En tous les cas, moi, j'en ai pas pour l'instant. C'est-à-dire que, d'autant plus, étant donné qu'on est en train de mettre en place un vaccin anti-SARS-CoV-2, ça veut bien dire que pour l'instant, il n'y a pas d'immunité croisée affirmée, en tous les cas ciblant spécifiquement le coronavirus chez des personnes qui auraient été infectées par des rhinovirus avant ou d'autres coronavirus saisonniers. Éventuellement, on peut peut-être, ce qui a été dit à certaines fois, c'est que le système immunitaire ou certains composants du système immunitaire, le fait d'avoir été stimulé par une infection autre respiratoire, serait plus à même de réagir rapidement pour mettre en place une immunité spécifique. J'aimerais qu'on élargisse un peu notre discussion dans ces dernières minutes d'émission à la question finalement de la difficulté de lutter contre les virus en règle générale et contre ces rhinovirus en particulier. Pourquoi est-ce qu'il est si compliqué, Florence Niedergang, de développer des antivirus qui seraient des antivirus à large spectre? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas aussi bien que les antibiotiques, par exemple? Oui, alors c'est peut-être parce que les virus, d'une part, utilisent la machinerie cellulaire pour se répliquer, pour se reproduire. Donc, on a plus de mal à identifier des produits, des drogues qui vont cibler spécifiquement le virus par rapport à des drogues qui vont cibler spécifiquement des machineries qui sont bactériennes, par exemple. Donc, on a toute une catégorie de produits qui doivent cibler finalement des choses qui sont utiles à la cellule et donc à l'organisme humain. Donc, on est un peu plus démunis en termes d'antiviraux et en particulier pour les virus respiratoires. On a assez peu de choses dans l'arsenal thérapeutique, alors qu'on a eu quand même quelques succès par exemple contre le virus de l'hépatite C. On a pu identifier des drogues qui ciblent certaines protéases, donc des activités qui coupent des protéines et qui sont importantes dans le cycle viral. Pour le moment, on n'a pas l'équivalent pour les rhinovirus, par exemple. Ouais. On dit beaucoup que il y a des pistes, mais on n'a pas encore de médicament. On dit beaucoup que justement ce médicament qui a été trouvé contre l'hépatite C, c'est un peu un médicament miracle contre un virus, et que c'est vraiment un cas d'exception par rapport aux autres virus. Est-ce que c'est le cas, Florence Niedergang? On peut quand même citer le VIH aussi, pour lequel les antirétroviraux. On a quand même maintenant les antirétroviraux, dont aussi des antiprotéases, qui nous permettent quand même de juguler l'infection et de maintenir les taux de virus de façon indétectable en circulation. Donc il y a quand même quelques succès de ce type-là, mais c'est vrai que pour les infections, si on parle des virus respiratoires, on a effectivement très peu de choses. Et pour revenir sur la question de l'immunité... Oui. Non, allez-y, terminez Florence Niedergang et je donne la parole à Vincent Hainouf après, allez-y. Non, je voulais, oui, juste revenir sur l'histoire de l'immunité croisée. C'est compliqué. Vous posiez la question entre rhinovirus et SARS-CoV-2, par exemple. Il faut voir qu'on cible, là, on espère avoir des anticorps qui bloquent finalement dès les premières étapes d'entrée du virus dans les cellules cibles. Or, les mécanismes d'entrée ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est difficile d'imaginer d'avoir des anticorps qui vont pouvoir cibler, si vous voulez, l'histoire, la serrure et la clé ne sont pas les mêmes. Donc, on a du mal à imaginer d'avoir une immunité croisée de ce type-là. On pourrait, comme le disait Vincent Aynouf, espérer que le système immunitaire soit globalement plus entraîné à répondre, mais ce n'est pas quelque chose qui est facile à mettre en œuvre. Vincent Aynouf, justement, sur les antiviraux en règle générale et sur la difficulté de mettre en place, de trouver des antiviraux qui fonctionnent pour les virus respiratoires. Par exemple, contre la grippe, vous avez des antiviraux qui existent. Ces antiviraux ciblent directement la particule virale et l'empêchent, en fin de compte, au moment où elle va sortir de sa première cellule qu'elle a infectée, va empêcher sa libération et donc empêcher sa diffusion parmi les autres cellules potentiellement infectées. Donc, ce sont des molécules qui doivent être prises très rapidement après le début des symptômes pour qu'elles aient un effet. Vous comprenez bien que si vous les prenez après 2-3 jours, eh bien, il y a tellement de particules virales qui ont eu le temps de se multiplier que ça ne sert plus à rien. Donc, ce sont des molécules qui doivent être utilisées dans un spectre de temps très réduit, mais qui fonctionnent. Mais on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que pour avoir la meilleure protection, c'est de trouver des stimulations du système immunitaire, comme les vaccins, qui, eux, vont avoir un spectre plus large, suivant ce qu'on injecte, hein, de telle manière à cibler plusieurs parties du virus, l'empêchant soit de se fixer, soit enfin, qui vont bloquer une fonction même plus interne, hein, une des fonctions de réplication. Et cela permet d'avoir des anticorps qu'on appelle neutralisants. Et en fin de compte, c'est des anticorps dits neutralisants qui neutralisent complètement la particule virale et qui l'empêchent de se multiplier. Mais on a bien compris que chaque virus, enfin ce que Florence Niedergang résumait comme étant la clé et la serrure, c'est-à-dire qu'il y a une protéine de surface qui est propre à chaque virus et qui va permettre d'infecter les cellules. Mais on disait aussi, on en a parlé au cours de nos émissions liées à la recherche autour du SARS-CoV-2, de parties du virus qui sont des parties plus génériques, qui sont des parties qui mutent moins. Et quand on voit que ces rhinovirus font tous partie plus ou moins des mêmes famille, comment se fait-il qu'on ne trouve pas justement d'antivirus ou d'antiviral, de médicaments antiviral qui se préoccuperait ou qui s'attacherait à ces parties plus génériques plutôt qu'aux protéines de surface ultra spécifiques de chacun des virus, Vincent Aynouf? Tout à l'heure, il était dit justement que la recherche, la recherche existe et il y a des choses qui sont recherchées. Après, je dirais qu'au niveau importance de la maladie, est-ce que cela intéresse des producteurs de molécules? Je n'en sais rien, en fin de compte, parce que vous allez avoir ça qui va apparaître aussi, c'est-à-dire que vous avez toujours un système économique qui est bien mis en place et qui va être intéressé ou pas par des molécules et leur effet et leur importance d'utilisation. Florence Niedergang, sur cette question? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a peut-être des pistes qu'on n'a pas encore complètement exploitées. En effet, parce qu'on n'était peut-être pas stimulé par l'urgence de la gravité de la pathologie ou de l'importance du marché. Maintenant, c'est peut-être des choses qu'il faudra revoir parce qu'en effet, si on considère de nouveau cette population de personnes avec des maladies chroniques respiratoires, BPCO, c'est 65 millions de personnes dans le monde. Donc potentiellement, les rhinovirus peuvent être graves chez des patients comme ça. Donc on aura peut-être une évolution de l'aspect marché dans les années qui viennent, vu que c'est une pathologie qui ne fait que se répandre. Bien sûr. Mais là, il y a peut-être des pistes à développer de ce côté-là, effectivement. Là, on parle évidemment de l'intérêt d'un antiviral anti-rhume à l'échelle mondiale, qu'on peut imaginer évidemment discutable, ou en tout cas pas forcément très intéressant financièrement pour des grands laboratoires. Mais si on parle en virologie de manière un peu plus globale, prenons les bêta-coronavirus comme le SARS-CoV-2 par exemple, ou d'autres familles de virus qui peuvent provoquer des maladies peut-être moins globales, mais en tout cas plus dangereuses ou plus mortelles. Comment se fait-il, et je repose ma question Vincent Aynouf, que face à ces familles de virus-là, il n'y ait pas une recherche qui vise encore une fois les parties génériques de l'enveloppe virale plutôt que les parties spécifiques. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver des médicaments qui puissent être moins spécifiques à un virus en particulier et donc moins dépendants d'une mutation à laquelle le médicament finirait par échapper complètement? Alors, c'est des choses qui sont recherchées, notamment au niveau du virus grippal, de la grippe, de chercher un vaccin qui ciblerait l'ensemble de la famille des virus, les virus de type A, les virus de type B, etc., de telle manière, parce qu'il y a des parties qui sont plus ou moins communes au niveau du système de fonctionnement et de multiplication du virus. Ce sont des protéines internes, mais le problème de ces machineries internes, c'est qu'elles sont à l'intérieur. Et donc, pour les atteindre, il faut trouver des solutions pour ouvrir des portes, de telle manière à emmener les molécules au milieu de la machinerie pour réellement la bloquer. Et ça, c'est pas simple. Et en effet, il faut trouver de l'argent pour que la recherche puisse avancer. Et même pour un virus grippal dont on parle tout le temps, tous les ans, eh bien, c'est vrai que ces recherches existent, mais sont compliquées à mettre en place. Et voilà. Je vous dis ça parce que on a trouvé avec l'équipe de la méthode en préparant cette émission, notamment une étude publiée dans PLOS Biology en juin 2019 d'équipes de Finlande et de Belgique, d'Helsinki et de Louvain, qui montre que chez les picornaviridés, donc là on est vraiment sur la grande famille de virus dont font partie les entérovirus et les rhinovirus, eh bien il y a ce besoin de changer de forme pour infecter leur cible et donc qu'il serait possible peut-être d'empêcher l'infection en trouvant une molécule qui bloque cette transformation. En tout cas, ça a l'air de marcher in vitro. Est-ce qu'on peut imaginer comme ça trouver des super antiviraux qui soient efficaces sur toute une famille, Florence Niedergang? Oui, c'est possible. Je voudrais peut-être souligner le fait que, en effet, il faut qu'on continue à faire de la recherche pour mieux comprendre le cycle d'entrée, de réplication de ces virus. Il y a encore beaucoup d'étapes qui ne sont pas très bien connues. Et donc, je voudrais en profiter pour, bon, bien sûr, là, on est dans un contexte de pandémie, donc c'est très spécial, mais continuer à soutenir de la recherche fondamentale, un petit peu tous azimuts, parce qu'on ne sait pas à quel moment, finalement, on aura besoin de telle ou telle information. Donc, augmenter globalement la connaissance sur ces rhinovirus et sur d'autres aspects cellulaires, bien sûr, ou immunitaires, à mon avis, reste quand même une priorité. De façon à ce qu'on puisse être réactif le moment venu pour mobiliser des connaissances qu'on aura acquises. Vincent Hénouf, pour conclure. Beaucoup de choses viennent d'être dites. Je ne sais pas. Les rhinovirus, en fait, c'est une grande famille. L'ensemble de ces virus respiratoires ont une symptomatologie assez proche les unes des autres. Il faut savoir qu'il y a une écologie de l'ensemble de ces virus, il y a des équilibres, hein, nous on l'observe au niveau de la quantité de détection de l'un de l'autre, d'une part de l'un de l'autre. Et ce qui est très étonnant actuellement, et là on revient dans l'actualité, c'est que le coronavirus met à mal tout cet équilibre. Le coronavirus, le SARS-CoV-2, hein, responsable de la COVID-19, met à mal tout cet équilibre et on est vraiment dans l'observation et on ne peut rien prédire. Déjà qu'habituellement, on ne peut pas prédire grand-chose sur quel est le virus qui va circuler. Mais en ce moment, c'est encore pire, je dirais. Et on ne peut rien dire actuellement sur quel sera le virus majoritaire dans quelques semaines. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Vincent Hénouf, merci Florence Niedergang d'être venu nous parler de ces rhinovirus. Hein, vous l'avez entendu, pour s'en protéger, pas besoin d'aller acheter de remèdes miracles ou de faire plus de bouillon de poule. Continuez à vous laver les mains, continuez à respecter les gestes barrières. Et ça marche quand même plutôt pas mal. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, François Malordi, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique. Demain, nous parlerons d'astronomie multimessager lorsque pour observer un objet ou un phénomène, que ce soit une galaxie, un quasar, un magnétar, qui sait, eh bien les astronomes ont recours non plus à différentes longueurs d'ondes radio, mais à différents signaux, dont les fameuses ondes gravitationnelles. On va regarder l'espace sous tous les angles demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.